peinture et on s'en fout plein la figure. On s'habille avec des vieux habits et on prend son bon parapluie. Avec tout ça, on est paré pour le carnaval. Et le boulot, bah on s'en fiche pas mal. On sera toujours les rois, pas d'inquiet, qu'on vient le carnaval. On est tous joyeux comme des cigales, on s'habille avec de vieux habits. J'ai oublié. Et on sort le parapluie. Avec tout ça, on est paré pour le carnaval. Et le boulot, nous on s'en fiche pas mal. Mais au sixième, il fait froid, il fait chaud. À toutes les saisons, on s'aime. Elle chante et il y a un micro là. Ah, j'ai plus de piles. Ils nous rassemblent pour le carnaval. Vive les enfants de Jean-Bart, ce sont des femmes de Gaïa. Pour les fêtes et pour les balles du carnaval. Vive les enfants de Jean-Bart, ce sont les femmes Gaïa. Pour les fêtes et pour les balles du carnaval. Et roule ton boss, ton père est bossu, sans faire exprès, j'ai marché sur son cul.